avant la victoire virevoltante vers l'île de l'éternelle Genèse, ce syntaxe azuré pénétrera tout le monde entier du nom délité qui argente les esclaves grâce à l'écoute aérienne du dragon. Celui qui avait perdu invoquera la joie et les amours maintes fois qui écoutent et qui jouissent justement. Ses lèvres auront l'oraison d'un rire rupestre. Il sera dans son cœur un médaillon unique. Il aura l'air pour parure, brodé de cyprine. Les tribus de la terre l'arrimeront sur quelques licornes roses au sein d'une nudité aurorale et rayonnante. Rentrera alors dans ses yeux une graine explosive, puis il sera, cette ignorance lâchée sous sa peau et sous son plexus lunaire, l'enfant des enfants et l'âme des âmes. Ce syntaxe entendra peut-être un démon, qui sera la serrure des cieux, et un petit zéphyr sortir de sa cervelle d'or. Il baisera les sirènes et les libérera, et les faisant reines des reflets, il ouvrira le ciel à leur dessein et les embrassera tous les jours et pour toujours, afin qu'elles courtisent à jamais les cités cyniques durant le flash d'une seconde calipige et jusqu'à ce qu'orgasme s'en suive, avant lequel, quoi qu'il se déroule, son ami le temps l'évanouira. Ce syntaxe entendra avant l'arme parcelle dont on ignore le nom vaginal volant au-delà de la montagne épousée, sans rendre compte au bâtard clouté qui aurait sinon léché l'écho giclant. Voici déjà que son étreinte embrase l'hystérie outre son foutre en route, sans doute, vers les soutes sans soutane du fondement aquatique en mimique sismique, kit d'un kit photonique, alanique, paroxysmique et cyclique. Et oh, oui, j'adore clore mes aurores. Et oh, oui, j'adore ce sort qui me dévore. Et oh, oui, j'adore cette petite mort rose. Et oh, oui, j'adore encore, encore, encore, s'il me serre très fort. Oh oui, j'adore, j'adore, j'adore, de toutes mes poches chevaucher syntaxe sonore.